بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد ف comme à notre habitude nous allons faire une brève assise de révision du cours précédent inshallah ta'ala. Le cours précédent qui portait sur Al-Qadar, la prédestination. Donc la foi des gens de la sunna et du groupe en la prédestination, chose qui fait partie des fondements de la sunna. Concernant la foi en Al-Qadar, la prédestination, nous avions cité plusieurs preuves. Quelles sont-elles, de manière résumée, hein? Si on te demande, quelle est la preuve de la foi en la prédestination, qu'est-ce que tu réponds, Mohamed Fadda? Le hadith Jibril. Ahsant, ahsant. Hadith ou Jibril, comme l'a répondu, ou comme on a fait l'argumentaire, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, lorsque Humayd ibn Abdurrahman Al-Himyari et Yahya ibn Ya'mar, ces deux tabi'in, sont venus le voir et lui ont dit que certaines personnes ont apparu, ou sont apparues, pardon, et se sont mis à parler de la prédestination et se sont mis à dire que Allah tabaraka wa ta'ala ne savait pas les choses avant qu'elles arrivent. Ils ont donc nié la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou plutôt son omniscience. Nous avions cité aussi des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala que vous connaissez. Parmi ces versets, sa parole, Azza wa Jal, dans le sens, et nous avons créé toutes choses avec mesure, biqadar, avec mesure. Et autre que cela, parmi les preuves indiquant l'obligation de la croyance en la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce hadith, le hadith de Jibril, lorsque ces deux tabi'in sont venus voir Abdullah ibn Umar, ils lui ont parlé d'une personne. Et cette personne est la première qui a parlé de Al-Qadar, c'est-à-dire que c'est le fondateur de l'innovation de Al-Qadariya, c'est-à-dire ceux qui nient l'omniscience d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci de manière général, c'est-à-dire on dira que Al-Qadariya c'est la grande famille, comme on l'a dit la semaine dernière. Et dans cette grande famille, nous retrouvons plusieurs ambiguïtés, ceux qui nient l'omniscience d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui sont en dessous de cela, ceux qui nient le libre arbitre des serviteurs. Qui est cette personne? Ah, tfadal, Mughla, tfadal. Ahsant, Ma'bad al-Juhani. Et cette personne est donc le fondateur de la secte de l'Qadariya. On a dit que l'Qadariya donc est la grande famille. J'ai évoqué la semaine dernière deux groupes ou deux sectes qui se sont égarés concernant la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelles sont-elles? De manière plus détaillée. Donc ces deux sectes, comme vous l'avez compris, comme je viens de le dire, sont des ramifications ou sortent de sous la cape de Al-Qadariya, la mère. Et nous avons donc deux groupes de sectes. Tfadda. Al-Jabriya, Ahsant, et Al-Qadariya aussi. On dirait que Al-Qadariya, comme on l'a dit, et la grande famille, comme l'a évoqué Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, dans son livre « L'histoire de la croyance islamique ». C'est comme ça que les savants ont la manière d'appeler toute personne qui s'est égarée concernant Al-Qadar, la prédestination. Ils les appellent Al-Qadariya, sans faire de détails. Puis, lorsque nous faisons un détail, nous dirons qu'il y a ces deux grands groupes. Et en dessous de ces grands groupes, il y a, comme d'habitude, car les voies de l'innovation et de l'égarement ne s'arrêtent pas, elles se ramifient sans cesse, et il y a donc nombre de groupes qui sortent de la cape, du dessous de la cape de ces deux grands groupes qui sont Al-Qadariya ou Al-Jabriya. Al-Qadariya, ici, quel est leur égarement ? Tfaddal Mustafa. Ils disent que les serviteurs n'ont pas de libre arbitre. Al-Jabriya. Ça, c'est Al-Jabriya. Al-Ahsant. Al-Jabriya, donc, ceux qui disent que le serviteur n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal l'oblige à œuvrer. L'oblige à faire les œuvres qu'il œuvre. Et il n'a pas de libre arbitre, donc il ne décide pas. Et il n'a pas de capacité à œuvrer ses œuvres. Nous avons parlé de l'autre grande secte qui est Ali Tfadl. Al-Qadariya. Quel est leur égarement, Al-Qadariya ? Tfadl. Tfadl, Ali Tfadl. Ahsan, ça c'est vraiment les premiers parmi Al-Qadariya. Et on a dit que ces gens-là, ceux qui renient l'omniscience d'Allah tabaraka wa ta'ala, les savants de la sunna ont jugé que ces personnes-là sortent de l'islam. Ils renient l'omniscience d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on a dit que ceux qui sont en dessous de eux, parmi Al-Qadariya, ils affirment quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Fadl Abdallah ? C'est ce qu'il vient de dire le frère. Ahsant, barakallahu fik. Hein ? Tfaddal. Il ne sait pas ce qui va se passer avant que ça se fasse. Comme il a dit le frère, ouais. Ahsant. Omar. Ahsant. Vous comprenez ce détail ? Certains qui sont en dessous de cela, ils disent pour résumer, comme l'a dit Omar, que chaque personne crée ses œuvres. C'est-à-dire que le serviteur est indépendant dans son bon vouloir et sa capacité à œuvrer. Certes, il est indépendant dans sa capacité à œuvrer, mais qui est le créateur de ses œuvres qu'il œuvre lui-même ? Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses, du serviteur et de ses œuvres. Il a cette capacité de vouloir œuvrer, d'œuvrer, mais il n'est pas indépendant dans cette œuvre qu'il va œuvrer, plutôt Allah Azza wa Jalla le crée lui et ses œuvres. Ceci est l'égarement de Al-Qadariya pour résumer. Ils disent que Allah Azza wa Jalla n'a pas de vouloir qui impacte sur l'œuvre du serviteur. C'est-à-dire que le serviteur veut œuvrer, il œuvre, et que le vouloir d'Allah Azza wa Jalla n'a pas d'impact sur ce vouloir du serviteur. Nous avons dit que Allah Azza wa Jalla crée le serviteur, crée ses œuvres, et vous ne pourrez vouloir que si Allah le veut, Seigneur des mondes. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Pour résumer, qui nous résume la croyance des gens de la sunna concernant Al-Qadr, même en regardant dans son cahier. J'avais évoqué une phrase qui était le résumé de la croyance des gens de la sunna concernant la prédestination. Hein? Même en regardant dans son cahier. Mourla, tfaddal. Ça, c'est ce qui vient encore après. J'avais évoqué une phrase comme ça, je vous avais dit de l'écrire. Une phrase très importante qui est le résumé de la croyance des gens de la sunna. Si vous ne l'avez pas, on va la... C'est juste un fondement de la sunna qui est sorti de la sunna, c'est ça ? Non. Hein, Omar, tfaddal. Ahsant. Ça, c'est le résumé de la croyance des gens de la sunna concernant la prédestination. Puisque dans la croyance en la prédestination, on a évoqué plusieurs points. On a évoqué plusieurs points. Le résumé de cela. Omar, tfaddal. Les serviteurs. Ahsan. Les serviteurs œuvrent. Ils œuvrent réellement. C'est-à-dire que ce n'est pas Allah qui œuvre pour eux. Ils œuvrent réellement. Ils ont une capacité à œuvrer et à choisir, à faire les choix qu'ils font. Donc les serviteurs œuvrent et Allah les a créés ainsi que leurs œuvres. Tfaddal. Ils veulent et à Allah sa volonté. Et il n'est pas une chose qui puisse advenir sans qu'Allah Azza wa Jalla le veuille. Et Allah guide. Et il facilite. Allah guide sur le droit chemin et il facilite les œuvres. Il crée les gens, il n'est pas seul, mais il n'oblige pas les gens à eux. Afwan, répète s'il te plaît. Il crée les gens, il n'est pas seul, mais il n'oblige pas les gens à eux. Ahsant, il crée les gens, il les façonne, mais il ne les oblige pas à œuvrer. Ceci est le résumé de la croyance des gens de la Sunna concernant la prédestination et le Qadar. Vous l'avez tous écrit, ceux qui ont le cahier, le... Très important, les frères, barakallahu fikoum, d'avoir un résumé. C'est-à-dire que chacun de ces points qu'on a évoqués ici, dans le résumé, que Omar nous a rappelé ici, a des preuves à l'appui et un détail que nous avons fait au cours dernier. Mais il est important d'avoir pour toi un résumé qui sera comme un titre. Tu as le titre et en dessous de ce titre, tu as l'explication avec les preuves et les détails que nous avons fait dans les cours précédents. Barakallahu fikoum. Une dernière chose, nous avions posé la question, est-ce que l'être humain est Moussayyar ou Moukhayyar ? Est-ce que l'être humain a le choix d'œuvrer ou est-ce qu'il est obligé d'œuvrer les œuvres qu'il œuvre ? Moussayyar ou Moukhayyar ? On va rester sur ces termes-là. Quelle est la réponse ? Ça dépend. Ahsant. Si c'est une épreuve, c'est pas lui qui choisit. Et si c'est ses actes, c'est lui qui choisit. Ahsant, c'est un bon résumé, barakallahu fik. Concernant les actes, que ce soit dans le bien ou dans le mal, lui-même choisit, il est donc mukhayyar. On lui donne le choix d'œuvrer en bien ou d'œuvrer en mal. Mais concernant des épreuves qui lui tomberaient dessus, comme par exemple la maladie, est-ce qu'il a le choix de choisir s'il tombe malade ou pas ? À ce moment-là, on dirait qu'il est Moussaïyar. Allah Azza wa Jalla lui décrète cette maladie. Et il n'a pas le choix. Il aura le choix, par contre, de prendre le médicament ou de ne pas le prendre. Et de manière générale, on dira que l'être humain est Mouyassar, comme il est venu dans le hadith. Allah Azza wa Jalla lui facilite ce pour quoi il a été prédestiné. Je terminerai juste sur ce point que je n'ai pas voulu évoquer la semaine dernière. Lorsque nous allons aborder le sujet des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons parler d'une grande secte qui s'appelle Al-Jahmiyya, qui nie les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Jahmiyya, bien souvent, lorsqu'on parle d'eux, nous trouvons que les savants disent que ce sont ceux qui nient les noms et attributs, de manière générale, de manière absolue, pardon. Mais lorsque tu regardes dans leurs croyances, tu trouveras qu'ils affirment certains attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une chose qui est méconnue de beaucoup de personnes, même parmi des étudiants en sciences. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude, et on a l'habitude d'entendre cela, Al-Jahmiyya sont ceux qui nient les noms et attributs d'Allah azza wa jalla. Nous trouverons que ces derniers affirment certains attributs. Pourquoi je parle de cela ici ? Vous allez comprendre. Lorsqu'on parle de Al-Qadar, la prédestination. La prédestination résulte de plusieurs actions d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont l'effet de ses noms et attributs, Azza wa Jal. Comme par exemple, l'omniscience d'Allah Azza wa Jal. Nous avons vu, si vous vous rappelez, dans Maratib al-Qadar, comme nous l'a évoqué Mourola tout à l'heure, les degrés ou les paliers de la prédestination, qu'ils sont au nombre de quatre. Le premier, la science. Donc cette prédestination résulte de la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même que son omnipotence, sa capacité sur toute chose, qui est le sens d'omnipotence pour ceux qui ne comprendraient pas ce mot. De même que la création, qui est un attribut très important d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même que al-hikmah, la sagesse. Donc, la prédestination d'Allah Azza wa Jalla résulte de cela. Al-Jahmiyya, qui nie les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, affirme l'attribut d'omnipotence, Al-Qudra. Donc, on a l'habitude d'entendre, comme je l'ai dit, les savants dire de manière absolue, ceci pour résumer. Al-Jahmiyya, ce sont ceux qui nient les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Ils affirment l'omnipotence. La question ici, pourquoi ? Pourquoi Al-Jahmiyya affirme, alors qu'il nie les attributs d'Allah Azza wa Jal, ceci est leur croyance. Ils disent Allah n'a pas de, n'a pas de, n'a pas de, n'est pas, n'est pas, n'est pas. Mais ils affirment l'omnipotence d'Allah Azza wa Jalla. Tafadhal Salim. Ils disent que tout ce qu'ils pratiquent, c'est par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Ahsant. Ahsant. Barakallahu fik. C'est-à-dire, quelle est leur croyance concernant la prédestination? Al-Jahmiya. Hein? Ahsant, Youssouf. Comme l'a dit Salim, comme l'a dit Youssouf ici. Al-Jahmiya, dans leur croyance, ils sont Jabriya. Al-Jahmiya, cette secte, dans leur croyance en la prédestination, ils sont Jabriya. D'accord? Donc, ils n'affirment, donc d'après la croyance d'Al-Jabriya, que ils n'affirment ou ils n'affirment pas à l'être humain une capacité d'œuvrer. Plutôt, ils lui enlèvent son libre arbitre et ils affirment que l'être humain est comme une feuille dans le vent. D'accord? À partir du moment où ces derniers n'affirment pas aux serviteurs de capacité, eh bien, ils affirmeront que toute la capacité est à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ceci est la base de leur innovation concernant le fait qu'ils nient les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils disent que Allah azza wa jalla n'est pas, n'a pas, n'est pas, n'a pas, car il y a une association dans cela entre le créateur et la créature. Allah azza wa jalla sait et la créature sait. Donc on dira que, donc eux, ils diront que Allah azza wa jalla ne sait pas, car il y a dans cela une ressemblance à la créature. La créature voit, Allah voit. Il y a une ressemblance entre le créateur et la créature. Donc nous nions cet attribut au créateur. Vous comprenez, ceci est la base de leur ambiguïté. Au moment où dans leur croyance, ces derniers étaient Jabriya, c'est-à-dire qu'ils n'affirment pas de capacité aux serviteurs, ils ont affirmé cet attribut à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci est un bénéfice, aziz, qu'on n'entend pas partout. Écrivez-le. Et ceci nous sert, ici dans notre cours, à affirmer une règle qui est connue chez l'ensemble des gens de l'innovation. Cette règle-là, bien sûr, ils ne savent pas qu'ils la pratiquent, car c'est une règle qui est fausse dans sa formule comme dans son application. Donc ils ne savent pas qu'ils la pratiquent, mais les gens de la Sunna disent que les innovateurs pratiquent cette règle, et vous le voyez clairement dans ce que je viens de rapporter ici. Quelle est cette règle? Les gens de l'innovation, l'innovateur, comme le suiveur de ses passions, « يعتقد ثم يستدل » C'est-à-dire, dans le sens de cette règle, il croit, puis recherche la preuve. Il croit en une chose, il a une croyance qui est fermement ancrée, et il va rechercher les preuves qui vont appuyer cette croyance. Et les gens de la Sunna, quelle est leur voix? L'inverse. Yestadil, il demande la preuve, et selon cette preuve-là, il aura une croyance ferme. Car comme l'a dit ici l'imam Ahmed, dans tout ce que nous avons lu dans son introduction, il s'en remet à la parole d'Allah et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il demande la preuve sur une chose, une fois qu'il a les preuves du Coran, de la Sunna, à partir de là il peut avoir cette croyance ferme et ancrée. Parce qu'il sait que la parole d'Allah est vérité. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité. La voix des pieux prédécesseurs est la seule voie qui doit être suivie. Faites bien attention à cela, tu ne trouveras pas un innovateur, une personne qui suit ses passions, sans qu'il ne pratique cette règle.